Les enfants ont déjà dîné ? Je ne sais pas, mais quand je suis arrivé, ils n'avaient pas encore dîné. Le match a déjà commencé ? Je ne sais pas, mais quand je suis arrivé, il n'avait pas encore commencé. La pharmacie est déjà fermée ? Je ne sais pas, mais quand je suis arrivé, elle n'était pas encore fermée. L'ascenseur est déjà réparé ? Je ne sais pas, mais quand je suis arrivé, il n'était pas encore réparé. Le facteur est déjà passé ? Je ne sais pas, mais quand je suis arrivé, il n'était pas encore passé. La secrétaire est déjà partie ? Je ne sais pas, mais quand je suis arrivé, elle n'était pas encore partie.